Te awatengi, awate. Omoni e, okanisa kingate. La pointure 48, à Kraouge, Boabana. Amen. partage. Tikin Zoso. Il est ça, Jenny, Joningo.